En Corée, l'Académie nationale des sciences a mis au point un projecteur à LED doté du réflecteur supplémentaire. Il s'agit de la technique de fabrication du projecteur à LED à focalisation convergeant toute la lumière sur un objet déterminé à l'aide du réflecteur principal et de l'autre supplémentaire. Le taux d'utilisation du flux lumineux basé sur la technique de focalisation dépasse 90%. Une centaine d'entreprises dans le pays ont adopté cette technique, leur permettant d'économiser à 95% l'électricité par rapport au passé, mais avec la luminance quintuple ou décuple. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle vient de remettre aux auteurs coréens la médaille et le diplôme d'invention.